troisième temps de notre série sur l'histoire du ciel. Aujourd'hui, une balade au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris dans l'exposition Météorite. Pour cette troisième émission de notre série sur l'histoire du ciel, nous allons ce matin, après avoir traité lundi d'archéologie aérienne et d'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale dans le documentaire signé William Irigoyen et Véronique Samouilov hier, nous intéresser ce matin à un phénomène naturel qui, a priori, pourrait apparaître comme à l'opposé des phénomènes historiques, les météorites. Il n'en est évidemment rien, comme va nous l'expliquer dans cette balade dans l'exposition Météorite du Muséum d'Histoire Naturelle, son concepteur Mathieu Gounel. Mathieu Gounel, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, professeur au muséum où nous nous trouvons, d'histoire naturelle à Paris, et vous êtes le concepteur de l'exposition Météorite qui s'y tient justement dans ce muséum d'histoire naturelle, une exposition qui a démarré il y a quelques mois et qui dure encore pour quelques mois jusqu'au mois de juin prochain. C'est étrange de se dire qu'on est dans une émission d'histoire et qu'on va parler de météorites qui, a priori, sont éloignées, étrangères à l'aventure humaine, en tout cas dans le premier abord qu'on peut avoir par rapport à ce sujet. De fait, ça peut paraître à première vue surprenant, mais les météorites ont une longue histoire. Et les météorites ont une histoire avec les hommes, une histoire partagée, une histoire complexe, extrêmement riche, pleine de rebondissements et pas toujours linéaire. Et c'était très important pour moi, dans cette exposition, de rendre compte de cette dimension historique, de ces interactions entre les hommes et les météorites, de faire comprendre comment les météorites sont devenues des objets scientifiques, ce qu'elles n'ont pas été pendant très longtemps, et aussi d'insister sur toute la dimension symbolique, anthropologique des météorites. C'est pour ça que vous commencez par une citation d'un poète. Exactement. Pour moi, les météorites sont aussi des objets poétiques. Je pense que pour le public également, c'est-à-dire que sans savoir véritablement ce qu'est une météorite, les météorites font rêver. Et je tenais à ce que cette part de rêve ne disparaisse pas. Je tenais à ce que les météorites conservent de leur mystère. Donc c'est pour ça qu'il y a une scénographie assez immersive, des œuvres d'art qui sont montrées tout au long de l'exposition. Il y a 10 œuvres d'art. Et puis que l'exposition est effectivement placée sous le patronage, en quelque sorte, d'Henri Michaud. Qu'est-ce qu'il dit dans cette citation que vous avez mise à l'entrée de l'exposition ? C'est un très beau vers qui dit « Vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a dans le ciel ». Alors, dans le ciel, on a donc l'arrivée entre le ciel et la terre de cette météorite qui est face à nous et qui accueille le visiteur ici dans cette exposition. C'est la météorite de Tiberamine. Pourquoi l'avoir mise ici et pourquoi avoir choisi parmi toutes les météorites que vous avez collectées pour cette exposition, celle-ci pour accueillir le visiteur ? Ça a été effectivement un choix important qu'on a débattu. Moi, je pensais qu'il était important de montrer une météorite typique, qu'il ne fallait pas montrer comme premier objet un objet exceptionnel, une météorite particulièrement belle, parce qu'il y a des météorites, on le verra un petit peu plus tard, qui sont vraiment extrêmement spectaculaires. Non, je tenais à ce que ce soit une météorite représentative de la majorité des météorites, donc c'est-à-dire une météorite de pierre, une chondrite, qui représente environ 85% des chutes de météorites, et qui sont des pierres, certes différentes des pierres terrestres, mais qui frappent tout de même par leur nature de pierre. Un gros pavé, trouvé en 1960. Et pas en 68, dans le désert algérien, un énorme pavé qui est de couleur brunâtre. Vous nous dites que toutes les météorites ne sont pas de pierre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça déjà, Mathieu Gounel ? Certaines météorites sont faites de fer métallique, c'est-à-dire de fer qui n'est pas associé à de l'oxygène. Et ce sont ces météorites-là, d'ailleurs, qui ont été utilisées pendant très longtemps par les hommes pour fabriquer des outils, des bijoux, des parures, avant l'invention de la sidérurgie. Alors, ce terme de météorite regroupe quoi quand on est, comme vous, astrophysicien ? Il y a quoi dedans ? Ce terme de météorite, il a une définition assez précise. C'est toutes les roches extraterrestres, une fois qu'elles sont sur Terre. Et donc, elles peuvent être de composition très variée, avec ces météorites de pierre qui représentent la majorité des météorites, qui sont tout de même très différentes des pierres terrestres. On peut les reconnaître assez, les identifier assez facilement. Et puis, ces quelques météorites faites de fer pur, qui, elles, sont beaucoup plus spectaculaires et dont on reconnaît l'étrangeté immédiatement, même si on n'est pas spécialiste. Les premiers textes qui nous parlent dans l'histoire du rapport de ces hommes à ces météorites disent quoi exactement, Mathieu Gounel ? Le premier texte qui parle d'une météorite, c'est assez fascinant, c'est tout simplement le premier texte littéraire conservé. Donc c'est l'épopée de Gilgamesh, écrite environ à la fin du 3e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, qui raconte l'histoire d'un roi légendaire. Et il y a deux occurrences dans Gilgamesh qui mentionnent les météorites. La première occurrence, une météorite de fer est utilisée comme symbole de la force, de façon métaphorique. Il est dit que le compagnon de Gilgamesh est aussi fort qu'un bloc tombé du ciel. Et la seconde occurrence, c'est une météorite qui tombe au pied du héros, de Gilgamesh lui-même, qui ne parvient pas à la soulever. Et le peuple ensuite se précipite pour révérer cette météorite. Quelle est l'utilité pour vous de travailler à la fois sur le caractère scientifique de ce que sont ces météorites au point de vue scientifique et leur représentation ? Alors, avant tout, je pense que c'est un goût assez personnel, c'est-à-dire que j'ai vraiment un goût prononcé, assez ancien, pour la littérature, pour l'histoire, pour les sciences humaines au sens très large. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé aux météorites dès que j'ai commencé à les étudier. C'est aussi en raison de toutes ces dimensions. C'est-à-dire qu'à la fois, les météorites sont des objets fascinants du point de vue scientifique, puisqu'ils nous racontent, puisque c'est un mot qui admet deux genres, l'histoire de notre système solaire, mais effectivement, par ailleurs, elle porte en elle toute une histoire, toute une symbolique, toute une poésie, et j'ai d'emblée été frappé par cette dimension-là. Ensuite, pour ce qui est de l'exposition, j'ai pensé qu'il était important que toutes ces dimensions des météorites soient retransmises dans l'exposition, à la fois pour accompagner le discours scientifique, pour le soutenir, et puis pour, comme je le disais, relancer cette part de mystère attachée aux météorites. Par ailleurs, je pense qu'il est assez important de donner l'idée que la science ne sort pas toute faite de la tête des scientifiques comme Pallas Athéna. Et donc je pense que c'est aussi important de donner une dimension, disons, épistémologique dans des expositions comme celle-ci, pour comprendre toute la démarche scientifique et le fait que les sciences, elles aussi, ont une histoire, et que avoir une histoire, c'est avoir un passé, et c'est aussi avoir un futur, c'est-à-dire que évidemment la science est plongée dans un flot de devenir comme n'importe quelle activité humaine. Et je pensais que c'était vraiment intéressant de rendre compte de cette dimension. Alors, si on historicise justement ce rapport des hommes à ces météorites, vous nous avez parlé du premier texte qui les cite, c'est-à-dire un texte tiré de l'épopée de Gilgamesh. Ensuite, que voient les hommes quand ils voient une météorite, disons, si on se plonge dans ces premiers textes aux alentours des épopées bibliques ou des épopées du Proche-Orient ? Que voit-il dans ces météorites dans un premier temps, en l'occurrence, Mathieu Gounel ? Alors, souvent, dans la Bible, il y a des allusions. On n'est pas certain que ce soit nécessairement des météorites, mais manifestement, s'il s'agit bien de météorites, c'est quand même la dimension catastrophique qui apparaît. C'est vraiment ça peut être la punition de Dieu. C'est vraiment la notion d'effroi. Ce qui vient du ciel est la punition de Dieu. Exactement. Ensuite, il y a des textes un peu plus tardifs, des textes grecs, qui sont les premiers textes d'une certaine façon savants à propos des météorites. Et le premier qui soit parvenu jusqu'à nous, les premiers textes qui sont parvenus jusqu'à nous sont des réflexions d'Anaxagore. Donc évidemment pas des textes d'Anaxagore, de Clazomène lui-même, puisqu'il n'a jamais pas laissé d'œuvre écrite, philosophe présocratique qui vivait à peu près justement à l'époque de Socrate. Mais en revanche, on a des textes postérieurs qui racontent ce que lui pensait des météorites. Et donc ce grand savant avait manifestement prédit une chute de météorites à la fin au début du 5e siècle avant notre ère. Il y a plusieurs auteurs qui l'attestent. Et il avait l'idée que les météorites étaient fragments du Soleil, étaient des fragments du Soleil, ce qui était tout à fait iconoclaste à l'époque. Et c'est pour cette idée-là et d'autres qu'il a d'ailleurs été chassé d'Athènes, qu'il a dû partir en exil en Grande Grèce, en Sicile, je crois. Donc ça, c'est vraiment la première approche, disons, savante d'une météorite. Donc l'idée qu'il ait prédit une chute de météorite est probablement un peu fantaisiste, puisque maintenant, on ne peut pas le faire. Bien qu'il soit dit qu'il ait réussi à prédire cela grâce à sa connaissance des ouvrages secrets des Égyptiens, qui était toujours un petit peu la référence magique des Grecs, il y a peu de chances que ce soit juste. En revanche, son idée que les météorites puissent provenir du Soleil est vraiment une idée intéressante, puisque déjà ça veut dire qu'il admettait leur origine extraterrestre sans barguigner, ce qui n'a pas toujours été le cas par la suite. Et puis par ailleurs, on sait désormais maintenant qu'il y a certains composants des météorites qui se sont formés très tôt dans l'histoire du système solaire à proximité du Soleil. Donc si jamais on voulait faire un lien avec notre connaissance présente, on pourrait dire que Anaxagore était assez visionnaire. Alors nous sommes dans une salle de ce muséum, donc de cette exposition sur les météorites avec vous, Mathieu Gounel, et nous sommes entourés, et nous sommes un peu novices dans ce domaine, de dizaines et de dizaines de pierres qui s'appellent météoroïdes ou météorites. Quelle est la différence entre les deux ? Pourquoi un genre masculin ? Pourquoi un genre féminin ? Est-ce que c'est la même chose ? Et surtout, que sont ces pierres que nous avons autour de nous, qui, pour beaucoup d'entre elles, sont d'une teinte cuivrée, noire grisée, noire profond ? Que représentent-elles, toutes ces pierres ? Alors, on distingue un météoroïde d'un ou d'une météorite. Un météoroïde, c'est la pierre quand elle voyage dans l'espace et qu'elle traverse l'atmosphère. Et une fois qu'elle tombe au sol, elle prend le nom de météorite. Mais ça, c'est vraiment purement de la sémantique. C'est vraiment une définition qui nous permet de travailler, même si d'ailleurs, très souvent, les scientifiques eux-mêmes font des abus de langage et utilisent météorite même pour parler de la pierre qui est dans l'espace. Ensuite, il est vrai, météorite, on peut dire une météorite ou un météorite, même si l'usage a plutôt imposé le féminin que le masculin. Alors, je ne connais pas exactement la raison de cette ambiguïté. Ce qui est certain, c'est que le mot apparaît au début du XIXe siècle, quand les météorites deviennent des objets scientifiques. Puisque avant, on parlait de pierres tombées du ciel, on parlait de pierres de tonnerre, de pierres de foudre. Donc, il y avait toutes des périphrases plutôt, ou des locutions interprétatives pour les désigner. Et ce n'est qu'après qu'elles sont devenues des objets extraterrestres, qu'on a admis qu'il s'agissait d'objets extraterrestres, qu'elles ont pris ce nom de météorites. Avant de s'appeler météorites, elles sont appelées pierres météoritiques. Donc c'est peut-être de là que vient la nature féminine du nom. Quant à la nature masculine, je ne sais pas exactement. Alors, comme vous le disiez, il y a effectivement autour de nous beaucoup de météorites. La majorité sont des météorites de pierre. C'est l'essentiel des météorites. Pour beaucoup, dans cette première salle, elles sont encore recouvertes de leur croûte de fusion, qui est une croûte noire qui se forme lorsque la météorite rentre dans l'atmosphère terrestre. Et puis, il y a aussi quelques météorites de fer. Donc qui représentent seulement 5% des chutes de météorites, et beaucoup sont assez spectaculaires, comme la météorite de Caille que vous avez derrière vous, qui est la météorite française la plus massive, qui fait plus de 600 kg et qui a été trouvée au XVIIe siècle dans le massif de l'Audiberg dans les Alpes-Maritimes par un berger. Donc complètement par hasard, ce berger est tombé sur cette masse de fer, l'a reconnu comme étant quelque chose d'assez particulier, hein. Donc le massif de l'Audiberg, c'est un massif calcaire, on ne trouve pas du tout ce genre de pierres dans des massifs calcaires. Il a signalé cette trouvaille, la météorite a été acheminée au village à proximité par des mules, probablement. Et puis, le maréchal Ferrand a essayé de la travailler, a essayé de l'utiliser il a reconnu sa nature métallique. Il a essayé de fabriquer des fers de mules, probablement pas des fers à Schwab, c'était une région assez pauvre, assez isolée. Et il n'a pas vraiment réussi parce que le fer météoritique est assez difficile à travailler. Il est assez peu malléable parce que c'est du fer qui est presque pur mais qui contient des petites inclusions qui compliquent de diamants ou de sulfure qui peuvent compliquer sa malléabilité. Donc le maréchal Ferrand a abandonné cette météorite et qui a passé quelques décennies devant l'église sur la place du village où elle servait de banc. Jusqu'à ce qu'un naturaliste, au début du 19e siècle, passant par le village, l'identifie comme étant une météorite et en quelques années, le muséum a mis la main dessus et a récupéré la météorite en échange d'une horloge, une nouvelle horloge pour l'église du village. Alors, extrême densité, parce qu'elle apparaît relativement petite, cette pierre, pour ces 600 kilos que vous nous décrivez, en l'occurrence, mais elle fait peut-être un mètre de long, 70 de large et une quarantaine ou une cinquantaine de centimètres de hauteur, et pourtant ça fait 600 kilos, c'est ça ? Exactement, parce que donc, comme c'est du fer pur, elle a une densité qui est deux fois plus élevée que la densité d'une roche caractéristique, plus de deux fois même une roche terrestre, donc effectivement c'est très très dense. Alors vous nous expliquez que ce tournant du 18e et du 19e siècle, avec évidemment tout ce courant de l'encyclopédisme, s'était intéressé de manière nouvelle, pourrait-on dire, Mathieu Gounel, à ces météorites. Alors ce scientifique qui passe devant ce banc, devant une église des Alpes-Maritimes, le repère, le ramène au muséum. Qu'en pense-t-on à ce moment-là ? Alors, au moment où la météorite de Caille est identifiée comme météorite, c'est 20 ans environ après le moment où les météorites deviennent des objets scientifiques. Donc, à cette époque, on est en 1820 à peu près. Ouais. Et donc, en 1820, on comprend que les météorites proviennent de l'espace. On commence à faire des premières analyses chimiques, un petit peu des analyses minéralogiques, mais ça reste encore très rudimentaire. Et disons, la théorie dominante voudrait que cela provienne des volcans de la Lune. Donc on avait identifié des volcans sur la Lune et des savants très sérieux comme Bio ou Poisson ont fait des calculs pour montrer qu'il était possible que des pierres fussent éjectées depuis la Lune, depuis les volcans lunaires jusqu'à la Terre. Mais c'est encore une science extrêmement rudimentaire et il y a assez peu de savants qui se préoccupent des météorites. Il faut attendre, disons, 1860 pour que ça devienne quand même un domaine un peu plus actif. Alors avançons justement dans cette exposition en regardant quelques-unes de ces magnifiques pierres météoritiques. Donc celle de Tamendit qui serait tombée au XIVe siècle est tout à fait remarquable. C'est aussi une météorite de fer, celle-ci ? La météorite de Tamendit est une météorite de fer également. Je l'aime beaucoup en raison de sa forme qui ressemble un petit peu à un cerveau d'une certaine façon, donc on pourrait presque dire que c'est l'âme du monde si on voulait aller loin. Et puis il y a une légende assez belle qui est attachée à cette météorite, puisque c'est une météorite qui a été trouvée dans le désert saharien à proximité d'une oasis, et les habitants de cette oasis racontaient que lorsque la météorite est tombée, elle était faite d'or, que les hommes se disputant pour sa possession, les dieux l'ont transformée en argent, et les hommes ne cessant pas de se disputer, ils ont fini par la transformer en vulgaire fer. Donc évidemment, ce fer pour nous n'est pas vulgaire, puisque il nous apprend beaucoup de choses sur la constitution des astres, il nous apprend beaucoup de choses sur l'évolution des planètes dans le système solaire. Mais en tout cas, cette légende disait à la fois la préciosité des météorites et puis ce rapport ambigu que les hommes ont pu entretenir avec elles. Alors, en avançant, on voit par exemple une coupe d'une météorite donc, qui a été coupée en deux pour pouvoir montrer ce que l'on trouve à l'intérieur de cette météorite. Cela, c'est une idée de scientifique qui remonte à assez loin dans le 19e siècle, c'est-à-dire cette idée qu'on va aller regarder ce qu'il y a dans ces pierres tombées du ciel, Mathieu Gounel. Oui, exactement. Donc les premières analyses, disons, pétrographiques, où effectivement on ouvre la pierre et on l'étudie en tant que pierre, date du milieu du 19e siècle, en utilisant évidemment des techniques qui proviennent de la géologie terrestre. Donc c'est une science relativement récente, la science des météorites, et c'est aussi pour ça qu'elle est à mes yeux extrêmement intéressante, puisque finalement elle est encore dans une phase, disons sinon d'enfance, en tout cas de tâtonnement, en tous les oui, cas. Oui, de d'hypothèse. Elle est parvenue à une certaine maturité, mais en tout cas, ce n'est pas une vieille science un peu recrue de rhumatisme. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors si on avance dans cette exposition avec vous, Mathieu Gounel, on voit effectivement ce dont vous nous parliez tout à l'heure, à savoir que on parle de pierre de lune avant de, ou de pierre de tonnerre avant de parler de ces météorites, avant de savoir ce dont il s'agit. Mais avant même de les analyser, on les utilise. Les hommes en tirent parti de ces météorites d'une certaine manière, en particulier ces météorites qui sont composées de fer, en l'occurrence Mathieu Gounel. Oui, exactement. Donc on les a utilisées de multiples façons. Je crois que l'artefact en fer météoritique le plus ancien identifié de façon certaine à ce jour date environ de 3000 ans avant notre ère. Ce sont des perles qui ont été trouvées dans une tombe en Égypte à Gerzé. Et il y avait 2-3 perles en fer météoritique associées à des perles qui formaient un collier avec des perles en lapis-lazuli et d'autres pierres précieuses. Comment les reconnaît-on quand on est comme vous un spécialiste de cette question-là ? Alors d'abord, aux 3000 ans avant notre ère, de fait, la sidérurgie du fer n'existait pas. Donc là, on est presque, disons, certain quand on va trouver un artefact en fer qui a cet âge-là, qu'il est d'origine extraterrestre. Et puis, on peut mener des analyses chimiques et le fer météoritique a cette spécificité d'être relativement riche, d'être plus riche en nickel et en cobalt que le fer, disons, terrestre, fabriqué par la sidérurgie. Donc on a une façon quand même assez directe d'identifier ce fer météoritique. Et on a des objets qui ont été trouvés donc en Égypte, dans ce cimetière à Gerzé. Il y a une magnifique dague qui a été découverte dans le poignard de Toutankhamon. Des objets qui ont été trouvés en Grèce, dans des tombes essentiellement. Peut-être un objet très ancien trouvé en Iran. Mais tout ça, c'est un travail qu'il faut reprendre, puisque souvent, ce sont des analyses qui ont été faites il y a très longtemps, ou alors l'origine météoritique n'est que supposée en raison de l'âge de l'objet. Donc ça, c'est un travail que je souhaite faire dans les prochaines années, c'est de partir un petit peu à la recherche dans un contexte archéologique d'objets en fer météoritique. Alors expliquez-nous cela, parce que c'est extrêmement intéressant en avançant dans cette exposition, Mathieu Gounel, justement, cette idée que l'on puisse reprendre les archives de cette histoire des météorites telle qu'elle a été racontée jusqu'à maintenant, pour pouvoir les relire avec de nouvelles lunettes, d'une certaine façon, Mathieu Gounel. Oui, donc l'idée, c'est d'identifier des objets en fer météoritique, effectivement, pour comprendre à partir de quand les hommes les ont utilisés, comment ils les ont travaillés aussi, par quelles techniques. Hein, les perles dont je parlais tout à l'heure, on a compris qu'elles ont été fabriquées par martelage, qu'on a d'abord fait des feuilles en métal, et puis ensuite qu'elles ont été enroulées pour former ces perles. Ça peut permettre de comprendre les échanges entre les hommes, par exemple dans le bassin méditerranéen, parce que peut-être sera-t-on capable même d'identifier des objets qui ont été fabriqués à partir de la même météorite, puisque chaque météorite potentiellement peut avoir une signature chimique particulière. Et donc on pourra reconstruire tous ces usages et tous ces échanges qu'ont pu faire les hommes il y a très longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait eu, c'est une possibilité, mais ça peut être une seule possibilité, des ateliers spécialisés, c'est-à-dire où est-ce qu'il y aurait eu un savoir-faire qui aurait été transporté d'un lieu à un autre? Ça, on n'en sait rien pour l'instant. On n'en sait absolument rien. C'est effectivement une très bonne question et c'est peut-être ce genre de choses que l'on découvrira. Ce que l'on sait, c'est qu'à chaque endroit où les météorites ont été utilisés pour fabriquer des objets, à chaque fois c'est des objets précieux, c'est-à-dire des armes et des bijoux essentiellement. Il y a très peu d'outils en définitive, je ne suis même pas certain qu'il y en ait, c'est un tout petit peu au Groenland, et que ensuite, dans certains endroits, on sait déjà que ça a circulé. Donc, par exemple au Groenland, on expose un petit peu plus loin dans l'exposition un couteau inuit dont le manche est fait en os de narval et les dents sont faites en fer météoritique. Et on sait, on connaît la météorite qui a été exploitée par les Inuits pour fabriquer ce genre d'objet. Et on a retrouvé des objets fabriqués à partir de cette météorite à des milliers de kilomètres de l'endroit où se trouvait la météorite. Donc manifestement, non seulement ces Inuits exploitaient la météorite pour fabriquer des outils, mais en plus s'en servaient comme monnaie d'échange avec des Inuits un peu plus lointains, soit avec d'autres peuples. Et vous nous dites pourtant, Mathieu Gounel, que travailler ce fer météoritique est un travail plus important que de faire de la sidérurgie normale. Donc ça nécessite un savoir-faire, une connaissance, une approche de l'objet, d'abord le repérer dans la nature et ensuite l'utiliser pour pouvoir le façonner à son envie. Exactement. Et alors, le repérer, ça, je pense, c'était relativement aisé, parce que vous avez pu voir vous-même que les météorites de fer, on en a encore deux qui sont derrière nous, sont quand même des objets assez spéciaux et que on peut, disons, distinguer comme étant très particuliers. Très vite, on a envie de les soulever. On se rend compte effectivement qu'ils sont très lourds, très denses, insoulevables. Donc, il s'agit d'un matériau extrêmement particulier qui peut être utilisé. Donc ça, disons que cette étape de la prise de conscience de la spécificité de ce matériau, sa découverte un peu partout, dès lors qu'il y a une météorite, il y a un être humain, je pense, pour s'en apercevoir et l'utiliser. Ensuite, effectivement, l'utiliser est assez compliqué, et les Inuits, on sait par exemple qu'ils exploitaient donc c'était des météorites géantes. À quelle époque c'était à peu près? Alors, on ne sait pas trop, mais on pense que la majorité des objets qu'on retrouve datent peut-être du début du deuxième millénaire après notre ère. Enfin, aux alentours de l'an 1000, disons. Mais ça peut être un peu plus tardif. Ils ont exploité les météorites probablement jusqu'à l'arrivée des explorateurs européens au 19e siècle, et jusqu'au moment où ils ont pu faire des échanges avec les baleiniers, et jusqu'à ce moment-là, ils utilisaient le fer météoritique. Et donc c'était quelque chose de très précieux pour eux, et ça on l'a montré indirectement en analysant un de ces objets au Quai Branly très, très récemment, juste avant l'exposition. Donc c'était très émouvant pour moi, parce que je tenais beaucoup à ce qu'un de ces objets, donc un de ces couteaux groenlandais, soit présent lors de l'exposition, mais ils sont très très rares. Le British Museum nous a refusé un prêt, donc j'étais fort désemparé. Et puis j'ai un collègue du muséum qui m'a dit: ah, mais peut-être au Quai Branly y en a-t-il un? Donc j'ai fait une demande de consultation au Quai Branly. Il fallait vérifier que les lames étaient bien en fer météoritique, faire la demande de prêt. Et de fait, quand j'ai pu aller au Quai Branly faire la mesure, eh bien, les lames de ce couteau étaient en fer météoritique. Et plus intéressant encore, ce couteau a quatre petites dents, et il y en a deux qui sont en fer météoritique et deux qui sont en fer terrestre. Donc ça veut dire qu'ils ont récupéré ces bouts de fer qui avaient probablement été déjà utilisés auparavant pour d'autres outils, pour en faire un nouveau. Donc ça nous indique aussi la préciosité de ces objets. Tout à l'heure, Mathieu Gounel, que cette science, la science des météorites, était un peu dans l'enfance, ou du moins dans la jeunesse, puisqu'elle n'avait débuté véritablement scientifiquement qu'au milieu ou dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ça veut donc dire que l'on pourrait, quand on est astrophysicien comme vous, replonger dans les archives, mais dans les archives qui sont conservées dans chacun des muséums de la planète, par exemple, ou dans d'autres endroits, des endroits qui conservent des œuvres d'art, qui seraient des œuvres façonnées par l'homme, et que l'on pourrait ainsi remonter le cours du temps et redécouvrir justement comment telle ou telle culture à utiliser ou pas du fer météoritique, par exemple. Exactement, exactement. Donc on peut effectivement remonter le cours du temps et mieux comprendre cette relation qui a probablement été toujours particulière, que les hommes ont entretenu avec le fer météoritique, en identifiant des objets en fer météoritique dans des collections muséales. Alors nous sommes ici à la fois devant une carte qui est assez impressionnante, sur laquelle on va revenir ensuite, mais aussi devant un autre type de météorite. J'ai l'impression que c'est du verre. Est-ce que c'est du verre? C'est du verre, et ce n'est pas une météorite. Ah. Donc vous avez effectivement l'œil. Là, on est dans une zone où on montre des roches terrestres qui ont été affectées par un impact de météorites extrêmement important. Donc quand les météorites sont très grosses, elles parviennent au sol avec leur vitesse cosmique, avec une vitesse très élevée, ne sont pas freinées par l'atmosphère, et elles créent un cratère d'impact. Donc on dénombre 200 cratères d'impact sur Terre environ. Et donc c'est un événement extrêmement violent qui a des effets très importants sur les roches terrestres. Donc là ici on voit une brèche, c'est-à-dire une roche terrestre qui a été broyée par un impact météoritique. Et à gauche, c'est encore autre chose, effectivement, ce ver dont vous parliez, qui est assez spectaculaire, qu'on appelle le ver libyque, qui a d'ailleurs été utilisé également par les Égyptiens pour fabriquer des bijoux. On a également retrouvé dans la tombe de Toutankhamon une magnifique parure avec un scarabée sculpté en fer libyque. Et ce fer libyque, il a probablement été engendré par une gigantesque météorite qui a explosé complètement dans l'atmosphère terrestre. Mais c'est le souffle de l'explosion qui, en parvenant au sol, a vitrifié le sable du désert. Et donc, c'est du verre fabriqué sous le souffle d'une explosion météorite. C'est le sable terrestre, le sable du désert libyque et égyptien. Et qui a été complètement vitrifié, ce sable, par un impact phénoménal il y a des dizaines de millions d'années. Et quant à cette très belle vitrine de moldavite, d'ivoirite, de bédiacite et d'australocite, qu'est-ce donc que ces pierres qui sont, enfin, ce sont, on a l'impression que c'est du verre en l'occurrence, mais un verre noir, brûlé, entièrement, il n'y a plus rien de cette translucidité que l'on connaît au verre, a priori, parce qu'il est totalement brûlé, totalement noir. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est effectivement du verre. On appelle ça des tektites. C'est un verre qui ressemble un petit peu dans sa nature et son apparence à l'obsidienne, donc qui est effectivement assez sombre, mais qui n'a pas du tout été créé par une activité volcanique, mais encore une fois par un gigantesque impact extraterrestre. Donc là, il faut imaginer un bolide qui touche le sol et qui expulse des gouttelettes de roche fondue dans l'atmosphère terrestre, qui peuvent voyager très très loin, sortir de l'atmosphère, et qui, en retombant sur Terre, adoptent cette forme aérodynamique et font ces objets extrêmement spectaculaires en bâtonnets, en larmes ou en boutons. Et la plus grosse de ces tektites, qui est au premier plan dans la vitrine, a été trouvée dans un temple khmer, et il est fort possible qu'elle ait été révérée dans ce temple. On peut comprendre, en tous les cas, quand on se promène dans cette exposition avec vous, Mathieu Gounel, combien ce phénomène météoritique est étrange, évidemment, pour toutes les populations qui le croisent à un moment donné, et d'une certaine façon peut conduire à une vision du sacré, en tous les cas, puisque cela vient du ciel et que beaucoup de nos cultures ont dans le ciel certaines de leurs racines sacrées, eh bien, puisque cela vient du ciel, on peut se dire qu'il y a là quelque chose qui est soit envoyé par les dieux, soit relatif aux dieux, et cela on le trouve dans les textes, justement, Mathieu Gounel. Oui, alors il y a une météorite très célèbre qui tombe en 1492 à Ensisheim en Alsace. Donc, à peine un mois après la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb. Et cette chute de météorite est assez spectaculaire. Donc c'est une météorite relativement grosse, disons presque un mètre de diamètre. Donc elle crée une gigantesque boule de feu, un météore très impressionnant, une forte explosion qu'on entend jusqu'en Suisse, et la pierre s'abat dans un champ à peu de distance des murs de la ville. Elle est les paysans se précipitent, en détachent immédiatement des boucs et comme un talisman en quelque sorte, jusqu'à ce que le bailli de la ville la confisque. Cette ville, à l'époque, était sous la domination de Maximilien de Habsbourg, qui était en bisbille avec le roi de France, Charles VII, qui lui avait ravi sa femme, Anne de Bretagne. Et donc, Maximilien, à cette époque, hésitait à partir en guerre contre le roi de France. Eh bien, cette météorite, dont la chute a été véritablement connu du grand public très rapidement, puisque très vite des tracts ont été imprimés, c'était 50 ans après la découverte de l'imprimerie, a été immédiatement interprété comme un signe divin par les savants de la cour de Maximilien, l'enjoignant à aller combattre les Français. Et donc c'est ce que racontent tous ces tracts, qui circulent dans tout le bassin rhénan, qui sont magnifiquement illustrés avec une gravure et puis un texte, ça fait une page, un poème de Sébastien Brandt, savant à la cour de Maximilien. Et dans ce poème, Brandt très clairement identifie la météorite, la chute de météorite, comme un prodige. La météorite est un signe divin et c'est un soutien que Dieu envoie à Maximilien de Habsbourg, l'encourageant à aller en guerre contre le roi des Français. Et quand on se retourne vers la carte que vous avez fait dresser dans cette exposition météorite, Mathieu Gounel, et qui représente les cratères d'impact, on se dit tous les humains ne sont pas égaux devant l'arrivée de ces météorites. On a des endroits dont on ne sait pas grand-chose, et en particulier, on voit le nord de l'Amazonie, le nord de l'Amérique latine, le centre de l'Afrique, évidemment, l'Afrique centrale et en particulier les grandes forêts d'Afrique centrale. L'Asie, évidemment, on n'a rien sur la Chine. Alors, ça peut paraître étonnant, parce que voilà une civilisation qui a quelque chose à voir avec le ciel, dont l'empereur est fils du ciel. Et puis, en Sibérie, c'est un peu plus dispersé. Comment sait-on justement que ces endroits-là ont été frappés par des météorites quand ça n'est pas dans une période historique, c'est-à-dire une période documentée en l'occurrence? Alors, il faut distinguer deux choses, les chutes de météorites et les chutes de bolides qui provoquent les cratères. Donc ça, c'est effectivement une carte qui montre les cratères d'impact. Certains ont des dizaines de millions d'années. Donc ça correspond à des chutes de météorites, bien évidemment, qui n'ont jamais été observées par des hommes. Donc ces cratères, créés uniquement par de gigantesques météorites, par des bolides, on les identifie avec des méthodes géologiques. Et la carte de répartition des cratères correspond tout simplement à l'âge des continents. Plus un continent est ancien, et plus il y a de cratères, tout simplement parce que l'enregistrement est plus ancien. Donc ça, ça correspond pas du tout à, disons, aux observations visuelles de météorites. Les météorites, elles, bien sûr, tombent sur Terre exactement de la même façon en Chine, en Inde, en Amazonie, en Amérique. Il y a pas du nom, les météorites n'ont pas de préférence. Elles sont tout à fait indifférentes aux frontières géopolitiques, bien évidemment. Sans compter dans les océans qui sont quand même une surface bien plus importante que les continents. Où tombe la majorité des météorites. Après, évidemment, on a des textes concernant les chutes de météorites, de taille moyenne, hein, quelques dizaines de centimètres de diamètre, un mètre. Donc on a des textes ou des représentations qui varient d'une civilisation à une autre. Donc évidemment, je connais mieux celle de la civilisation occidentale. Et de fait, en Chine, il y a assez peu de météorites anciennes qui ont été conservées. Alors, il y a des collègues qui ont pu dire que c'était parce que les météorites étaient utilisées dans la pharmacopée chinoise. Donc ça, je ne sais pas ce que vaut cette interprétation. En revanche, la météorite la plus ancienne conservée au monde est conservée dans un temple Shinto au Japon. Et elle est tombée au 9e siècle après Jésus-Christ, après notre ère. Et de fait, il est intéressant que la météorite la plus ancienne ait été conservée dans un temple, comme de fait la seconde météorite la plus ancienne dont je parlais tout à l'heure, la météorite d'Ensi Shine, tombée en 1492, a été conservée pendant 3 siècles dans l'église d'Ensisheim avant d'être décrochée par les révolutionnaires qui, non seulement libéraient les corps, mais libéraient également les pierres. Alors, on va avancer, si vous le voulez bien, Mathieu Gounel, au sein de cette exposition. Vous nous emmenez vers quel endroit maintenant dans cette exposition météorite ici au Muséum d'Histoire Naturelle? Alors là, c'est un espace qu'on appelle le vaisseau. Donc c'est un peu l'espace central de l'exposition. Projection d'un film à l'intérieur d'une sorte de géode. Et ce film raconte l'histoire du système solaire. Pour pouvoir expliquer justement la formation de ces météorites. Exactement. Donc, pour pouvoir expliquer à la fois la formation des météorites, et le film explique également en quoi les météorites nous apprennent les différents mécanismes qui ont présidé à la formation des planètes. La foi qu'il pouvait y avoir dans ces objets tombés du ciel, on arrive dans une partie de l'exposition plus scientifique, pourrait-on dire, où le travail des scientifiques a été rassemblé pour pouvoir expliquer quelles étaient les différentes familles, les différents types de météorites que l'on peut trouver, comme vous m'avez expliqué au tout début de cette exposition, Mathieu Gounel. Effectivement, cette très grande vitrine là, que derrière nous montre des dizaines et des dizaines de météorites, et c'est un petit peu tous les types de météorites différents. Et chaque type de météorite provient d'un astéroïde particulier, à l'exception de quelques météorites qui proviennent de la Lune et qui proviennent de Mars. Et donc cette vitrine, c'est un petit peu le panorama de la diversité des météorites, qui est tout simplement représentative de la diversité des corps, des astéroïdes du système solaire. Et justement, cette diversité est désormais étudiée en tant que telle par des chercheurs comme vous, j'imagine. C'est la variété qui compte, en l'occurrence. Ça n'est pas justement de tout rassembler sous un même phénomène comme on a pu le faire auparavant dans la préhistoire de la science, mais au contraire de montrer les distinctions entre chacun de ces phénomènes météoritiques. Exactement. On est rentré effectivement depuis quelque temps déjà dans l'ère de la distinction. Il y a plus de 100 classes de météorites. Chacun correspond à un corps particulier et potentiellement chaque météorite nouvelle peut effectivement nous apporter de nouvelles informations, de nouvelles révélations sur l'histoire du système solaire. Donc, chaque météorite, d'une certaine façon, désormais, est scrutée pour elle-même et pour ce qu'elle peut nous apprendre sur notre histoire. Alors, on a l'impression, mais vous allez peut-être me détromper, en l'occurrence Mathieu Gounel, que la découverte et l'importance de ce phénomène météoritique est quelque chose qui est devenu une sorte de pis-aller, d'explication pour tous les phénomènes que l'on ne comprend pas véritablement. Alors on a évidemment la fameuse explication météoritique pour l'extinction des dinosaures, et on voit bien que désormais, sachant qu'il y a une science qui s'intéresse à ces phénomènes venant du ciel, eh bien on peut trouver là l'opportunité de donner des réponses à des questions que l'on se pose depuis longtemps. Alors pour ce qui est des dinosaures, il semble quand même avéré, certain, qu'il y a une météorite de taille gigantesque qui est tombée sur Terre au moment de l'extinction crétacé-tertiaire, où environ la moitié des espèces disparaissent, dont les dinosaures. Donc que cette météorite ait été la cause principale ou qu'elle ait, disons, représenter un coup de grâce pour les dinosaures, l'accélération d'espèces, disons, affaiblies, ça c'est encore l'objet de débat. Mais météorite il y a eu, et cette météorite a certainement provoqué un effet absolument dramatique sur l'atmosphère et l'environnement terrestre. Donc je dirais pas que les météorites sont un pis-aller, non. Là, le cratère de Chicxulub au Mexique a été bien identifié. Il fait 200 km de diamètre. Ça correspond à une météorite d'environ 10 km de diamètre. Donc ça a probablement joué un très grand rôle dans cette extinction. Par ailleurs, on sait que des bolides de cette taille-là tombent régulièrement sur Terre. Et moi, je trouve ça assez intéressant de penser que l'évolution de la Terre, l'évolution de la vie sur Terre, a été ponctuée de ces chutes de météorites et que, en définitive, elles ont joué un rôle dans cette évolution. Oui, on a par exemple imaginé que l'eau ait pu arriver sur Terre par l'intermédiaire de ces corps célestes qui seraient tombés sur Terre et qui auraient d'une certaine façon déclenché l'arrivée de l'eau. On croit savoir, j'ai cru comprendre que c'était une hypothèse qui était peut-être sérieusement remise en discussion aujourd'hui, mais ça fait partie effectivement de ces hypothèses qui disent qu'il y a quelque chose qui vient du ciel et qui peut expliquer des phénomènes qu'on n'a pas encore réussi autrement à expliquer sur Terre. Alors, de fait, maintenant, l'eau, on pense quand même qu'elle est arrivée sur Terre, justement qu'elle n'est pas arrivée sur Terre, qu'elle fait partie de la dot originelle de la Terre, puisque finalement, le débat est celui-ci, c'est est-ce que la Terre se forme dès le début avec de l'eau, ou est-ce que l'eau arrive un peu plus tardivement avec les météorites. Maintenant, il semble quand même que la Terre se soit formée avec de l'eau. Ceci étant, la formation de la Terre, c'est tout simplement l'agglomération successive de gigantesques météorites. Donc il y a aussi un moment où cette espèce de frontière entre ce qui est terrestre et ce qui est extraterrestre devient floue. Tout ça est un continuum. C'est d'ailleurs assez gigantesque au point de vue de la réflexion humaine, du scientifique que vous êtes, j'imagine. C'est-à-dire commencer à remettre en cause cette idée qu'il y a du terrestre et de l'extraterrestre, c'est déjà faire un pas énorme vers autre chose que ce qu'on croyait jusqu'alors. Oui, je pense, et c'est aussi l'idée que, évidemment, la Terre, comme toutes les autres planètes, ne s'est pas formée en un jour. Hein. On pense qu'il a fallu 100 millions d'années pour faire la Terre, et que la Terre s'est formée par agglomération de corps assez gros et d'origines diverses. Et donc, finalement, toutes les météorites que nous étudions sont aussi des témoins indirects de cette diversité qui ensuite a pu faire la Terre. Alors, si on avance vers une autre vitrine qui est ici, on découvre effectivement qu'il y a des météorites qui proviennent de Mars et de la Lune. Et là, d'un seul coup, on est surpris parce que ce que vous nous disiez tout à l'heure de ces premiers scientifiques qui pensaient que c'était le détachement des pierres de Lune qui arrivait sur Terre, et d'une certaine façon prouvé par la science, même si ça n'était pas exactement la même chose qu'ils imaginaient. Exactement. Jean-Baptiste Biot, qui est un scientifique qui a joué un grand rôle dans l'histoire des météorites, puisque c'est à la suite d'une enquête qu'il a faite en 1803 à L'Aigle, en Basse-Normandie, que les météorites ont été reconnues comme étant des objets extraterrestres. À L'Aigle, où il y avait eu une chute de très nombreuses météorites, en l'occurrence. Exactement, des milliers de pierres. En 1803, le 26 avril 1803, se sont abattues sur cette petite commune de Normandie. Et très vite, le bruit de cette chute est parvenu à Paris. Et quelques semaines après la chute, Jean-Baptiste Biot est allé sur place. C'était la première fois qu'un scientifique allait sur place sur une chute de météorites. Et c'est ce voyage et le fait qu'il en ait fait le récit, dans un style d'ailleurs extrêmement châtié, qui a permis, disons, de convaincre les autres scientifiques de la nature extraterrestre de ces météorites. Et donc Jean-Baptiste Biot faisait partie de ces savants qui, au début du XIXe siècle, pensaient que les météorites proviennent de la Lune et des volcans lunaires. Et donc, de fait, il serait ravi, Jean-Baptiste Biot, de savoir aujourd'hui, deux siècles plus tard, qu'il y a des météorites dont nous sommes certains qu'elles proviennent de la Lune. Alors, nous sommes certains qu'elles proviennent de la Lune parce qu'on a bénéficié de l'apport des missions spatiales, de l'apport des missions Apollo, qui ont rapporté près de 400 kilos de roches lunaires. Les missions soviétiques Luna ont rapporté quelques centaines de grammes. Et donc, on peut comparer directement ces météorites aux roches lunaires et c'est de cette façon qu'on a la certitude qu'elles proviennent de la Lune. Donc elles n'ont pas été expulsées par des volcans lunaires, mais elles proviennent de l'impact de gigantesques bolides sur la Lune. Et on peut d'ailleurs voir la trace de ces impacts avec tous les cratères qui parsèment la Lune. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous nous disiez tout à l'heure que la discipline que vous pratiquez en tant qu'astrophysicien est une discipline relativement neuve. Et on voit qu'effectivement, très rapidement, depuis une quarantaine d'années, et en particulier ces expéditions sur la Lune et sur Mars, on a commencé à réfléchir à ces questions-là à nouveau frais et à considérablement faire avancer la recherche, Mathieu Gounel. Oui, alors il est vrai que ces 40 dernières années, ces 50 dernières années, il y a eu peut-être deux moments très importants dans l'histoire de la science des météorites qui ont vraiment été des accélérateurs. C'est d'abord effectivement l'accélération lunaire, l'exploration lunaire, parce que les scientifiques qui ont étudié les pierres lunaires étaient ceux qui étudiaient les météorites. Donc il y a eu un apport, disons, de moyens techniques et humains et financiers qui a vraiment permis que de plus en plus de scientifiques s'intéressent aux météorites avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. Donc ça, c'est dans les années 70. Il y a vraiment, disons, une espèce de bond technologique et conceptuel qui suit l'exploration de la Lune. Et puis ensuite, il y a une seconde accélération plus récente qui a peut-être eu lieu ces 10-20 dernières années qui est liée à l'interaction que peuvent avoir les cosmochimistes, c'est-à-dire les scientifiques qui étudient les météorites, avec les astrophysiciens. Donc on voit des étoiles en train de se former, on commence à observer des planètes en train de se former autour d'autres étoiles, et donc maintenant on peut vraiment faire des allers-retours entre ce que nous apprennent les météorites sur notre propre histoire, sur la formation du système solaire, sur la formation de la Terre, avec ces planètes et ces étoiles que l'on voit en train de se former maintenant ailleurs dans le ciel. Ça veut donc dire que les quelques dizaines d'années que nous avons devant nous vont être encore des années de découvertes très intenses dans ce domaine-là, parce qu'on a l'impression d'une mobilisation des chercheurs, des scientifiques au niveau international, parce que ce sont des grandes missions internationales qui se développent dans ce domaine-là, qui se mettent en place pour pouvoir aller encore plus loin dans la connaissance de ce phénomène. Oui, c'est clairement une science, disons, qui a le vent en poupe. Dans les années à venir, il y a au moins deux missions de retour d'échantillons, donc ça c'est toujours très important, d'aller chercher des échantillons dans l'espace et de pouvoir les comparer aux météorites pour un petit peu valider ou invalider notre hypothèse et pouvoir faire un lien entre ces objets dont on sait, disons, de façon générale d'où ils proviennent, mais pas de façon particulière. Et donc, jusqu'à maintenant, on a bénéficié uniquement des échantillons de la Lune et d'une comète avec la mission Stardust de la NASA. On peut voir derrière un tout petit bout de grain de comète qui a été rapporté par la NASA et qu'elle nous a gentiment prêté. Donc jusqu'à maintenant, on dispose que de pierres de lune, d'une comète et de deux astéroïdes. C'est vraiment très très peu, évidemment, par rapport à l'immense diversité des corps dans le système solaire, l'immense diversité des astéroïdes et des comètes. Et dans les années à venir, dans les 5 années à venir, il va y avoir 2 missions de retour d'échantillons, une américaine et une japonaise. Vous revenez tout juste, il y a quelques semaines, d'une mission en Amérique latine, dans le désert d'Atacama, pour pouvoir repérer des météorites. Dites-nous comment on fait pour repérer des météorites dans un désert, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est justement le travail de chasseur de météorites sur la Terre, en l'occurrence. Chasser des météorites est en définitive relativement simple, dès lors qu'on a identifié le bon endroit, c'est-à-dire un désert qui est suffisamment ancien pour avoir accumulé, pour que les météorites s'y soient accumulées sans avoir été modifiées par l'humidité. Et une fois qu'on est dans ces endroits-là, eh bien, on se met en formation de tirailleurs, 4 ou 5, il ne faut pas être trop nombreux, parce qu'après, c'est un petit peu le désordre, c'est comme à l'armée, c'est difficile de marcher au pas. Et on regarde par terre, à la recherche de pierres singulières, de pierres étranges qui sont les météorites. Et donc si on est dans des endroits favorables, eh bien on va pouvoir trouver quelques météorites par heure ou quelques météorites par demi-journée. Et donc une mission comme celle que vous avez menée avec d'autres dans le désert d'Atacama, vous avez récupéré combien de météorites ou d'extraits ou de morceaux de météorites ? Alors notre dernière mission organisée avec Jérôme Gatacheka du CEREJ a été très fructueuse puisque nous avons trouvé presque 600 météorites. Donc de toutes nos missions, ça a été la plus fructueuse. Alors une fois qu'on les ramène, il faut les analyser ensuite. Exactement. Une fois qu'on les rapporte en France, il faut les analyser, disons, dans un degré de détail qui n'est pas le même pour toutes les météorites. Disons, il y a un premier tri qui nous permet d'identifier les météorites les plus banales qu'ensuite on n'étudiera pas, et puis de sortir du lot les dizaines de météorites un peu plus intéressantes pour lesquelles on va mener des analyses plus détaillées. Merci beaucoup Mathieu Gounel de nous avoir conduit dans cette exposition météorite qui dure jusqu'à au milieu du mois de juin, c'est ça ? Exactement, jusqu'au 10 juin. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Merci encore. Merci à vous. Voilà donc pour cette balade dans l'exposition météorite du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Demain, nous continuons et nous terminons notre série sur l'histoire du ciel en nous intéressant à la façon dont la civilisation et la culture chinoise a envisagé le ciel. Quelle est la cosmologie chinoise ? C'est la question que nous poserons à nos invités de ce jeudi.